الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار. اللهم واجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance, et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Nous demandons à Allah qu'il fasse que nos intentions soient sincères par recherche de son agrément. أما بعد فقد قال شيخنا رحمه الله روينا في مسند الإمام أحمد بن حنبل من حديث أوس بن أوس رضي الله عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا من الصلاة علي فيه فإن صلاتكم تبلغني. Notre cher, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit, il nous a été autorisé de rapporter avec une chaîne de transmission jusqu'au Musnad de l'imam Ahmad ibn Hanbal, que Allah l'agrée, d'après le compagnon Aous, fils de Aous, que Allah l'agrée, que le prophète de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, ce qui signifie en français, parmi les meilleurs de vos jours, il y a le vendredi. Alors, multipliez le vendredi les invocations en ma faveur, car vos invocations vont me parvenir et j'en serai informé. Je serai informé de vos invocations. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله وقد أرمت. Donc les compagnons qui ont entendu le hadith lui ont dit, comment cela peut-il avoir lieu au messager de Allah alors que tu auras été assimilé par la terre. قال إن الله قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie Allah a interdit à la terre d'assimiler les corps des prophètes. Allah a interdit à la terre d'assimiler les corps des prophètes. هذا الحديث صحيح متفق على صحته. Ce hadith, il est authentique. Il y a accord des hafiz concernant son authenticité, le fait qu'il soit sahih. Rawahu Abu Dawud aydan al-Bayhaqi fi sunanihi al-kubra wa fi juz'i hayat al-anbiya. Il a été rapporté par Abu Dawud également et par al-Bayhaqi dans Sunan al-Kubra dans le chapitre concernant la vie des prophètes. هذا الحديث الصحيح فيه إثبات أن يوم الجمعة من أفضل الأيام عند الله. Ce hadith authentique confirme ou comporte la confirmation que le vendredi fait partie des meilleurs des jours selon le jugement de Allah. وأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مطلوب الإكثار منها. Et que il est demandé, ces choses requises de la part du musulman, de multiplier les invocations en faveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فيسن الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه أكثر من غيره. Il est recommandé de multiplier les invocations en faveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam le vendredi plus que tout autre jour. Le vendredi, c'est recommandé de faire plus d'invocations en faveur du prophète que dans d'autres jours. وأن هذه الصلاة تبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le hadith comporte également la preuve que ces invocations que fait le musulman vont parvenir jusqu'au messager de Allah صلى الله عليه وسلم. وفيه أن الصحابة قالوا كيف ذلك يا رسول الله وقد أرمت أي صرت رميما أي أكلت عظامك الأرض. Et dans ce hadith, il y a aussi le fait que les compagnons ont posé la question. Ils ont dit, comment cela peut-il avoir lieu au messager de Dieu, alors que tu seras devenu poussière, c'est-à-dire que tu auras été assimilé par la terre. إذ ما كان بلغهم قبل ذلك أن أجساد الأنبياء لا تأكلها الأرض. Parce qu'ils ne savaient pas auparavant, les compagnons, que les corps des prophètes n'étaient pas assimilés par la terre. Quand ils avaient entendu cela pour la première fois, ils ne savaient pas que les corps des prophètes n'étaient pas assimilés par la terre. فَقَالُوا فَأَعْلَمَهُمْ. Quand ils ont posé la question, le prophète leur a enseigné, leur a appris que la terre n'assimile pas le corps des prophètes. فمن ذلك الوقت علموا أن أجساد الأنبياء لا تسلط عليها الأرض. C'est à partir de ce moment-là que les compagnons ont su que les corps des prophètes ne sont pas assimilés par la terre. وهذا أي بقاء أجسادهم بعد الوفاة الذي هو الفناء مستمر باق حتى إن أجسادهم هذه تنشر يوم القيامة من القبور. ليست أجسادا معادة جديدة لأنه لا سبيل للبلا على أجسادهم. Donc, le fait que les corps des prophètes restent intacts après leur décès est quelque chose qui va se poursuivre. C'est-à-dire, ce n'est pas juste pendant un certain temps. Tout le temps, après leur mort, leur corps ne va pas être assimilé par la terre. Et au jour de la résurrection, le jour du jugement, lorsque les corps vont sortir des tombes, ce seront leurs corps qu'ils avaient toujours eus, parce que leurs corps ne sont pas assimilés par la terre. Ce sont leurs mêmes corps qui vont sortir de leur tombe. Ce ne sont pas de nouveaux corps, comme c'est le cas pour les autres humains dont la terre assimile le corps. Il n'y a pas lieu que leurs corps soient assimilés par la terre. قال وهناك حديث صحيح الإسناد له تعلق بهذا الحديث. Il y a un autre hadith qui lui aussi est authentique. Il est sa chaîne de transmission est du degré d'authentique qui est en relation avec le hadith que nous venons de voir à l'instant. وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم فمن صلى علي نائيا بلغته ومن صلى علي عند قبري سمعته. Et cet autre hadith, c'est la parole du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il dit: faites les invocations en ma faveur, sallu alayhi, faites les invocations en ma faveur, car vos invocations vont me parvenir où que vous soyez. Vos invocations, les invocations que vous faites en ma faveur, vont me parvenir où que vous soyez. Celui qui fait les invocations en ma faveur dans un endroit éloigné, ces invocations vont m'être transmises. Il y a qui va me les transmettre. Et celui qui fait les invocations en ma faveur auprès de moi, au niveau de ma tombe, je vais l'entendre. Le prophète entend les invocations que fait le musulman en faveur du prophète quand il le visite. Et s'il est éloigné, il y a qui va transmettre au prophète, alayhi salatu wassalam, les invocations que nous faisons en sa faveur. Al-hadith al-awwal wa-thani kilahuma fihima ithbat hayat al-anbiya'i ba'd al-mawt. Le premier hadith, tout comme le deuxième, comporte tous deux la confirmation que les prophètes sont vivants après la mort. فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ هَذَا وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي سُورَةِ الرَّحْمَنِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانْ. فالجواب أن الفناء تحقق بالموت ليس من شرط الفناء الذي ذكره الله في هذه الآية أن يبلى الجسد. Si quelqu'un pose la question, il dit, mais dans Sourate Ar-Rahman, le verset numéro 26, Allah Ta'ala dit, Kullu man alayha fan. Comment cela peut-il être concilié avec les deux hadiths? C'est-à-dire, le sens du verset est que tous ceux qui sont sur terre vont avoir al-fana. La réponse est que Al-Fana, ou l'anéantissement, il aura été réalisé pour tous ceux qui sont sur terre. Il s'agit de la mort. Donc l'anéantissement ici, dont il est question dans ce verset, c'est la mort. Ce n'est pas la condition pour l'anéantissement que le corps soit assimilé par la terre. L'anéantissement que Dieu a mentionné dans ce verset, c'est la mort. Ce n'est pas l'assimilation du corps par la terre. وَالْفَنَاءُ تَحَقَّقَ بِالْمَوْتِ الَّذِي هُوَ مُفَارَقَةٌ مُفَارَقَةُ الرُّوحِ لِلْجَسَدِ. L'anéantissement, Al-Fana, il est réalisé par la mort. Et qu'est-ce que la mort? C'est le fait que l'âme quitte le corps. Lorsque l'âme quitte le corps, c'est ça l'anéantissement. إِنَّمَا يَفْتَرِقُ النَّاسُ بِأَنَّ بَعْضًا مِنْهُمْ بَعْدَ مَوْتِهِمْ وَعَوْدَةِ الرُّوحِ إِلَى الْجَسَدِ تَبْلَى أَجْسَادُهُمْ شَيْئًا فَشَيْئًا حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْ أَجْسَادِهِمْ إِلَّا عَجْبُ الذَّنَبِ. Sauf que les gens vont se distinguer les uns des autres après leur mort et le retour de l'âme à leur corps. Vous savez que dans la tombe, l'âme retourne au corps. Comment les gens vont se distinguer? Certains, leurs corps vont être assimilés petit à petit, au point qu'il ne reste de leur corps que l'extrême partie du coccyx. فَلَا يَبْقَى مِنْ أَجْسَادِهِمْ إِلَّا عَجْبُ الذَّنَبِ وَهُوَ عَظْمٌ صَغِيرٌ كَهَيْئَةِ الْخَرْدَلَةِ. Il ne restera de leur corps que un petit os qui est à l'extrémité du coccyx, vous savez, c'est à l'extrémité de la colonne vertébrale, qui est de la taille d'un petit grain de moutarde. فَأَنَّ هَذَا خُلِقَ لِلْبَقَى. Ce bout d'os qui est à la fin de la colonne vertébrale, il va rester, il ne va pas être anéanti. عَلَيْهِ رُكِّبَ الْإِنسَانُ وَعَلَيْهِ يُعَادُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. C'est à partir de cet os que le corps de l'être humain a été formé, et c'est sur cet os-là aussi qu'au jour du jugement, il sera à nouveau constitué. أَمَّا الْأَنْبِيَاءُ وَشُهَدَاءُ الْمَعْرَكَةِ الَّذِينَ كَانَتْ عَقِيدَتُهُمْ صَحِيحَةً وَنِيَّتُهُمْ صَحِيحَةً فَالْأَجْسَادُ مِنْهُمْ لَا تَبْلَى. Quant aux prophètes et aux martyrs, ceux qui avaient une croyance correcte parmi les martyrs, c'est-à-dire ceux qui sont morts, tués, et dont la croyance était correcte, et dont l'intention était bonne, leur corps également ne vont pas être assimilés par la terre. أَمَّا الْفَنَاءُ الْمَذْكُورُ فِي الْآيَةِ فَقَدْ تَحَقَّقَ عَلَى الْجَمِيعِ. Quant à l'anéantissement, الْفَنَاء, qui est cité dans le verset « كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانَ », il est réalisé par la mort. La mort, c'est l'anéantissement dont il est question dans ce verset, c'est-à-dire tous ceux qui sont sur terre vont mourir. وَفِي الْحَدِيثَيْنِ أَيْضًا إِثْبَاتُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَبْلُغُهُ صَلَاتُ أُمَّتِهِ عَلَيْهِ. Et donc, dans le hadith, qu'est-ce qui a été confirmé? Il a été confirmé que les invocations que la communauté du prophète alayhi salatu wassalam fait en sa faveur, lorsque chacun d'entre nous entend le nom du prophète, et quand il dit sallallahu alayhi wa sallam, cela va lui parvenir. فَلِلَّهِ تَعَالَ مَلَائِكَةٌ وَظِيفَتُهُمْ إِبْلَاغُ صَلَاتِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ فِي قَبْرِهِ. Ainsi, Allah Ta'ala a fait qu'il y a des anges dont la fonction est de transmettre au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il est dans sa tombe, de lui transmettre les invocations que les croyants de sa communauté donc font en sa faveur après lui. وفي الحديث الثاني إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع صلاة من صلى عليه عند قبره. Dans le second hadith, il y a la preuve que le prophète, عليه الصلاة والسلام, entend l'invocation faite en sa faveur par celui qui l'a fait au niveau de sa tombe. Vous savez, les musulmans, quand ils vont rendre visite au prophète, alayhi salatu wassalam, quand ils vont à Médine, quand ils font l'invocation en faveur du prophète, sallallahu ala Muhammad, ils disent Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, le prophète, il entend. Donc le deuxième hadith, il comporte la confirmation que le prophète entend ces invocations que les musulmans font en faveur du prophète alayhi salatu wassalam, li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam, wa man salla alayya 'inda qabri sami'tuhu, wa man salla alayya 'inda qabri sami'tuhu, en raison de la parole du prophète dans le deuxième hadith qui signifie: et celui qui fait l'invocation en ma faveur au niveau de ma tombe, alors je vais l'entendre. وليس مانعا له صلى الله عليه وسلم من سماع صلاتهم وسلامهم عليه كثرة المصلين عليه مهما بلغت الكثرة. Il n'y a pas, yani, quelque chose qui empêche que le prophète صلى الله عليه وسلم entende les invocations que font les musulmans en sa faveur, même s'ils sont nombreux. Quel que soit le grand nombre de musulmans qui font les invocations en faveur du prophète, alayhi salatu wassalam, rien n'empêche que le prophète les entende. فَأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قُدْرَتُهُ صَالِحَةٌ لِأَنْ يُسْمِعَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَاتَ كُلِّ وَاحِدٍ مَهْمَا كَثُرَ عَدَدُ الْمُصَلِّينَ عَلَيْهِ عِنْدَ قَبْرِهِ. Car Allah Ta'ala est tout puissant pour faire entendre au prophète sallallahu alayhi wa sallam l'invocation que fait chaque personne qui fait les invocations devant la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam en sa faveur. Wa hadani al-hadithani yashhadani li sihhati ma warad min anna a'mal ummatihi tu'radu alayhi ay ba'd a'malihim ma kana khayran wa ma kana ghayra dhalik. Ces deux hadiths confirment et consolident ce qui a été confirmé dans un autre hadith. C'est-à-dire, ces deux hadiths prouvent également l'authenticité de ce qui a été prouvé dans un autre hadith, à savoir que les œuvres de la communauté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, seront exposées au prophète, alayhi salatu wa sallam. C'est-à-dire que certaines des œuvres de la communauté, il va en être informé, les œuvres qui sont bonnes et les œuvres qui ne le sont pas. فقد ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم ومماتي خير لكم فإذا أنا مت عرضت علي أعمالكم فإن رأيت خيرا حمدت الله وإن رأيت غير ذلك استغفرت لكم. حديث rapporté par Al-Bazzar dans son Musnad Bab Zadan d'après Abdullah, qui signifie: ma vie, c'est-à-dire, ça c'est la signification de la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Il a dit ce qui signifie: ma vie est un bien pour vous. Quand vous êtes confronté à de nouvelles situations, je reçois la révélation et je vous donne le jugement des cas auxquels vous êtes exposé. Quand vous êtes confronté à de nouvelles situations, je reçois la révélation et vous avez la réponse, les jugements de ce que vous êtes en train de vivre. Et ma mort est également un bien pour vous, puisque après ma mort, vos œuvres vont m'être présentées. Quand j'apprends que vous avez fait du bien, je remercie Allah. Et quand j'apprends que vous avez fait autre que cela, je demande à Allah qu'il vous pardonne. Donc notre prophète, alayhi salatu wassalam, nous est bénéfique, il nous est profitable durant sa vie et après sa mort, que Allah l'honore et l'élève davantage en degré. فمن هذه الأحاديث يعلم أن موت رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسبب له انقطاعا كليا عن أمور أمته. Donc ce hadith nous apprend que la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été une cause pour qu'il soit complètement coupé des informations concernant sa communauté. Ce deuxième hadith nous informe que la mort du messager sallallahu alayhi wa sallam ne provoque pas le fait qu'il soit complètement coupé de ce qui concerne sa communauté. فصلاتهم عليه وسلامهم تبلغه وتبلغه بعض أعمالهم. Ainsi, les invocations que font les gens en faveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le salam en faveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont transmises au prophète. Et certaines de leurs œuvres sont également transmises au prophète. فَمَا كَانَ مِنْ خَيْرٍ حَمِدَ اللَّهَ عَلَى ذَلِكَ وَمَا كَانَ مِنْ شَرٍ اسْتَغْفَرَ لَهُمْ وَهَذَا فَضْلٌ كَبِيرٌ أكرم الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وأكرم به أمته فالحمد لله على ذلك. Ainsi, certains des actes de la communauté vont être exposés au prophète عليه الصلاة والسلام. Quand il prend connaissance du bien que sa communauté a fait après lui, il va remercier Allah pour cela. Il remercie Allah pour le bien que sa communauté a fait après lui. Et ce qui est mal que sa communauté va faire, il demande le pardon en faveur de sa communauté. Donc ça, c'est encore une preuve que quelqu'un, après sa mort, est profitable pour celui qui est vivant. Et ceci est une immense grâce, c'est un grand bienfait dont Allah a fait l'honneur. C'est Allah a honoré son prophète par ce grand bienfait, son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il a honoré également la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La louange est à Allah pour cela. Wa hunaka hadithun rabi'un sahihun ya'udu bil ma'na ila hadhihi al ahadith al thalatha. Et il y a un quatrième hadith qui lui également est authentique dans le sens et conforme aux trois hadiths que nous venons de voir. Il s'agit de ce qu'a rapporté Al-Bayhaqi et Abu Ya'la dans son Musnad. Min hadith Anas ibn Malik radiyallahu anhu, d'après le hadith de Anas ibn Malik, que Allah l'agré. Anna Nabi Allah sallallahu alayhi wa sallam a qal Al-Anbiya'u ahya'un fi quburihim yusallun. Les prophètes sont vivants dans leur tombe, ils font la prière. Al-anbiya'u ahya'un fi quburihim yusallun. Les prophètes sont vivants dans leur tombe, ils font la prière. Hadith rawahu al-Bazzar fi musnadih. Hadith rapporté par al-Bazzar également dans son musnad. Fa idha kana halu al-anbiya'i annahum yusalluna fi quburihim ba'da an ahya'ahum Allah ta'ala بإعادة الروح إلى الأجساد فلا مانع بأن يدعو لمن شاء الله تعالى من المؤمنين فيفرج كرب بدعائه صلى الله عليه وسلم أو ينال طالب رغبته. Donc si les prophètes sont ainsi, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont vivants. Qu'est-ce qu'ils font dans leur tombe? Ils font la prière. Après que Allah Ta'ala leur a donné une autre vie dans leur tombe, puisque leur âme retourne à leur corps. Alors, rien n'empêche que les prophètes fassent des invocations dans leur tombe, à qui Allah Ta'ala veut parmi les croyants. Et grâce aux invocations que font les prophètes dans leur tombe, il y a des tourments qui seront dissipés grâce aux invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou quelqu'un qui souhaite obtenir quelque chose, Allah la lui accorde. Tout cela grâce à l'invocation que fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَأَنَا قَالَ قَائِلٌ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ تُسْتَشْكَلُ بِحَدِيثِ إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمًا قَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَافِ. Hadith rawahu al-Tirmidhi. Si quelqu'un dit, mais il y a une problématique à cause d'un autre hadith rapporté par At-Tirmidhi, dans lequel le prophète alayhi salat wa salam a dit ce qui signifie lorsque l'être humain meurt, ses œuvres sont interrompues, sauf à partir de trois choses. فَالْجَوَابُ أَنَّ حَدِيثَ إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ الْمُرَادُ بِهِ الْعَمَلُ التَّكْلِيفِي إِنْ قَطَعَ عَمَلُهُ أَيُّ عَمَلٍ الْعَمَلُ التَّكْلِيفِي أي أن العمل الذي يتجدد له به الثواب كلما عمله هذا العمل انقطع. Donc la réponse est la suivante, c'est que dans ce hadith, lorsque le prophète alayhi salat wa salam a dit que par la mort l'être humain il n'a plus d'œuvre, sauf à partir de trois choses. Il s'agit des œuvres que la personne doit accomplir, des œuvres dont elle est responsable. Oui, ça c'est vrai. Lorsque la personne meurt, elle n'est plus responsable. Elle n'aura plus de nouvelles œuvres qu'elle va pouvoir faire et qui vont être une cause de récompense pour elle. Après sa mort, la personne n'aura pas l'opportunité de faire de nouvelles œuvres qui vont lui ramener des récompenses pour elle. وَلَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ لَا يَدْعُو فِي قَبْرِهِ لِأَحَدٍ. Mais ce hadith ne veut pas dire que le mort ne peut pas faire d'invocation alors qu'il est dans sa tombe pour n'importe qui, pour quiconque. وَأَنَّهُ لَا يَبْقَى لَهُ شُعُورٍ. Ce hadith n'indique pas non plus que le mort dans sa tombe, il ne sent plus rien. وَلَيْسَ فِيهِ أَنَّ الْإِنسَانَ يَبْقَى عَلَى حَالَتِهِ حِينَ فَارَقَتْ رُوحُهُ جَسَدَهُ بِحَيْثُ يَصِيرُ كَقِطْعَةِ خَشَبٍ لَا شُعُورَ وَلَا إِحْسَاسٍ. Ce hadith ne veut pas dire non plus que l'être humain, tous les êtres humains sans exception, après que leur âme a quitté leur corps, quand ils vont être dans leur tombe, ils seront comme un bout de bois qui ne sent rien, qui n'a aucune perception. Ce n'est pas ça le sens du hadith. فَإِنَّ هَذَا بَعِيدٌ مِنَ الصَّحَّةِ كُلَّ الْبُعْدِ. Ceci est loin de la vérité. إِنَّمَا يَسْتَشْكِلُ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَحَدِيثَ حَيَاةِ الْأَنْبِيَاءِ مَنْ كَانَ فَهْمُهُ سَقِيمًا أَوْ فِي نَفْسِهِ تَرْكُ اسْتِشْعَارِ التَّعْظِيمِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Qui peut avoir une problématique à cause de ce hadith, des hadiths de la vie du prophète? C'est ceux qui ont une mauvaise compréhension, ou bien ceux qui, dans leur cœur, ils n'ont pas le ressentiment de la glorification du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam. وَذَلِكَ مِنْ شِدَّةِ فَسَادِ قُلُوبِهِمْ. Parce que ce sont des gens qui ont des cœurs qui sont mauvais. فَيَتَصَوَّرُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ صَارَ بَعْدَ مَوْتِهِ لَا يَدْعُو لِأَحَدْ وَلَا يَشْعُرُ بِشَيْءٍ. Parce qu'ils se sont imaginés que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam, après son décès, il n'invoque pour personne et il ne sent rien du tout. فَهَذَا جَهْلٌ مِنْهُمْ لَيْسَ أَمْرًا لَهُمْ فِيهِ دَلِيلٌ مِنَ الْأَحَادِيثِ النَّبَوِيَّةِ. Ceci est une preuve d'ignorance de leur part. Ils n'ont pour cette imagination aucune preuve à partir des hadiths prophétiques. لَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ ابْنَ آدَمَ بَعْدَ مَوْتِهِ لَا يَسْمَعُ وَلَا يَدْعُو لِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا. Ce dernier hadith ne veut pas dire que l'être humain, le fils de Adam, après sa mort, il n'entend rien, il ne fait aucune invocation en faveur des gens qui sont vivants. إِنَّمَا هَذَا يَرْجِعُ إِلَى فَسَادِ أَفْهَامِ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَتَصَوَّرُونَ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ مَا لَيْسَ فِيهِ. Seulement, cette mauvaise compréhension de ces gens-là les a amenés à croire cela à partir de ce hadith, alors que ce hadith ne comporte pas ce qu'ils ont imaginé. نحن نقول الأنبياء لا يتجدد لهم ثواب بعملهم في قبورهم كصلاتهم. Nous nous disons que conformément à ce dernier hadith, les prophètes ne vont pas obtenir de nouvelles récompenses pour les prières qu'ils sont en train de faire dans leur tombe. إِنَّمَا يَتَلَذَّذُونَ بِهَا. Seulement quand ils font la prière, c'est une source de plaisir pour eux. Quand ils font la prière dans leur tombe, c'est un plaisir pour eux. وَلَكِنْ لَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ لَا يَدْعُونَ اللَّهِ وَلَا يُصَلُّونَ. Mais ce hadith ne comporte pas le fait que les prophètes dans leur tombe, ils n'invoquent pas Dieu, ils ne font pas des prières dans leur tombe. وَمَنْ زَعَمَ هَذَا فَهُوَ سَقِيمُ الْقَلْبِ فَاسِدُ الْفَهْمِ. Celui qui prétend cela, c'est quelqu'un qui a le cœur malade et qui a une mauvaise compréhension. وَوَرَدَ مَا يُؤَيِّدُ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ مِنْ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ بَعْدَ وَفَاتِهِمْ لَهُمْ عَمَلٌ يَنْفَعُ غَيْرَهُمْ. Et il est parvenu ce qui confirme et conforte et consolide les trois premiers hadiths, à savoir que les prophètes, après leur mort, ils accomplissent des œuvres qui vont être profitables pour autrui. فهذا حديث المعراج فيه أن موسى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله ماذا افترض الله على أمتك من الصلاة فقال 50 صلاة. Ainsi le hadith de Al-Mi'raj, l'ascension, lorsque le prophète a été élevé dans les cieux, il comporte le fait que Moussa, alayhi salam, il avait rencontré le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a posé la question, qu'est-ce que Allah a ordonné à ta communauté d'accomplir comme prière? Faqala khamsuna salatan. Notre prophète a répondu, ce qui signifie 50 prières. فقال له موسى سل ربك التخفيف فراجعه 9 مرات حتى خفف عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى 5 صلوات. C'est alors que Moussa عليه السلام a dit à notre prophète عليه الصلاة والسلام, demande à ton Seigneur qu'il t'allège la charge pour ta communauté, et il lui a recommandé à chaque de demander l'allègement à 9 reprises. 9 fois, il lui demande de demander à Allah. 9 fois, il lui a demandé de demander à Allah l'allègement. Tout comme cela a été rapporté par Al-Bukhari, il a ansaru 5 salawat, jusqu'à ce qu'elle soit devenue 5 prières, alors qu'au début, c'était 50. فَنَفَعَ مُوسَى أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى جَمِيعِ رُسُولِ اللَّهِ هَذَا النَّفْعَ بَعْدَ مَوْتِهِ. Ainsi, notre maître Moussa, alayhi salam, il a profité à la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Que Allah honore notre prophète et qu'il honore tous ses frères prophètes de Dieu. Il a profité cette grande profit puisqu'il a été la cause pour nous alléger la charge. Et ceci a eu lieu après la mort de Moussa. C'est une preuve que celui qui est mort peut être profitable et bénéfique pour celui qui est vivant. وكذلك مما يؤيد ذلك ما في حديث المعراج أن الأنبياء 8 الذين لقيهم في السماوات وهم آدم ويحيى وعيسى ويوسف وإدريس وهارون وموسى وإبراهيم هؤلاء كل منهم لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سماء من السماوات إلا عيسى ويحيى فإنه لقيهما في السماء الثانية. Il y a également ce qui est un argument supplémentaire sur le fait que les morts peuvent profiter pour les vivants, ce qui est parvenu toujours dans le hadith de Al-Mi'raj, de l'ascension, lorsque le prophète a rencontré les 8 prophètes dans les cieux. Les 8 prophètes que notre maître Muhammad alayhi salatu wassalam a rencontrés dans les cieux sont Adam dans le premier ciel, Yahya et Isa, Yusuf, Idris, Haroun, Moussa et Ibrahim. Tout cela, le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a rencontré dans un ciel, excepté Isa et Yahya, il les a rencontrés tous les deux dans le deuxième ciel. Kullu wahid minhum sallama alayhi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, wa da'a kullun minhum bin nabiyyi bi khayr. Ainsi, chacun de ces prophètes que notre maître Muhammad alayhi salatu wa sallam a rencontré, il a fait bon accueil, le messager lui a passé le salam, donc il a passé le salam à des prophètes, donc c'est après leur mort. Et chacun d'entre eux, il a fait des invocations en faveur du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est après leur mort qu'ils ont fait l'invocation en faveur du prophète, excepté Isa qui n'est pas encore mort. فَأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ عِنْدَ ذِكْرِ لِقَائِهِ بكل منهم ودعا لي بخير رواه مسلم في باب الإسراء. Ainsi notre prophète dans le hadith, quand il mentionnait chacun des prophètes, il disait ودعا لي بخير, il m'a fait des invocations de bien. فإذا طلب أحد من رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قبره أو في غير ذلك أن يتوجه له إلى الله فليس ذلك كما يخاطب حجرا أو قطعة خشب كما يزعم ذلك أناس يدعون أنهم صفوة المسلمين والحقيقة عكس ذلك. Donc si quelqu'un demande au messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'il lui demande au niveau de sa tombe ou ailleurs de il demande au messager alayhi salatu wassalam qu'il s'adresse pour lui à Allah. Quelqu'un demande au messager qu'il s'adresse en sa faveur à Allah. Ce n'est pas comme si la personne s'adressait à une pierre ou à un bout de bois, comme le prétendent des gens qui prétendent être l'élite des musulmans alors que la réalité est tout autre. ليس الشأن بإيراد آية أو حديث في غير محله إنما الشأن أن تورد الآية أو الحديث في محلها. Ce qui compte, ce n'est pas de citer un verset du Coran ou un hadith hors de son contexte. Ce qui compte, c'est de citer le verset ou les hadiths dans leur contexte. أما وضع الآية في غير محلها والأحاديث في غير مواضعها فهو شأن الضالين المنحرفين كالخوارج. Donner au verset et les utiliser hors de leur contexte, ou les hadiths les utiliser hors de leur contexte, c'est la pratique des égarés qui sont comme les qui ont dévié comme les khawarij. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه حملوا آيات وردت في الكفار على المؤمنين فجعلوها في المؤمنين. Ainsi Abdullah, le fils de Omar, que Allah l'a gré lui et son père, il a dit à propos des Khawarij, ils ont cité des versets qui ont été mentionnés, qui ont été révélés au sujet des non-musulmans, les Khawarij les ont appliqués aux croyants. Cette parole a été rapportée par Al-Bukhari dans son Sahih. Al-Khawarij lam yafhamu qawlahu ta'ala fi surati Yusuf in al-hukmu illa lillah. Les Khawarij n'ont pas compris la parole de Allah dans sourate Yusuf in al-hukmu illa lillah ala wajhihi. Ils n'ont pas compris ce verset tel qu'il se doit. فاعتبروا عليا لذلك واعتبروا من والاه مخالفين للآيتي. Ils ont considéré le quatrième calife Ali, que Allah l'agré, et ceux qui l'avaient suivi, ils les ont considérés en contradiction avec le verset. وذلك لفساد أفهامهم أي الخوارج. Et ce en raison de leur mauvaise compréhension, c'est-à-dire les خوارج. لذلك قال عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما حملوا آيات وردت في الكفار فجعلوها في المسلمين. C'est pour cela que Omar ibn al-Khattab, son fils Abdullah, le fils de Omar, que Allah les agrée tous les deux, il a dit à propos des Khawarij, ils ont donné au verset un autre sens que leur sens correct, ils les ont appliqués aux croyants, alors que des versets, ces versets-là concernaient les non-musulmans. Et ces gens-là également, ceux qui prétendent que le prophète n'est pas utile, qui prétendent que le prophète n'est pas vivant dans sa tombe. فَإِذَا سَمِعُوا رَجُلًا يقول يا رسول الله اعتبروه كعباد الأوثان. Ces gens-là, à notre époque, quand ils entendent quelqu'un qui dit « Ô messager de Dieu », il appelle le prophète, « Ya Rasul Allah », il le considère comme quelqu'un qui adorait les idoles. « عندهم كالذي يقول هبل يا هبل » Pour eux, c'est comme celui qui appelle « هبل يا هبل ». « هبل » c'est une des idoles des associateurs. « وقد ثبت عن بعض الصحابة أنه قال يا محمد » Or, il a été authentifié avec une chaîne de transmission du degré du Sahih qu'un compagnon avait dit après la mort du prophète, « Ya Muhammad, ô Muhammad », il a appelé le prophète. Et ces gens-là, c'est comme s'ils ont amené une nouvelle religion. Ils ont laissé tous les textes qui prouvent le contraire de ce qu'ils disent et ils ont suivi leur passion. Et tout ce qui ne les arrange pas, ils le rejettent. Alors que ce sont des paroles qui sont confirmées, authentifiées du Coran et du Hadith. Un compagnon, il a été authentifié qu'après sa mort, après la mort du prophète, alayhi salatu wassalam, ce compagnon, il a appelé le prophète. Il a dit, « Ya Muhammad, ô Muhammad !» Hada sahabi huwa Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab. Ce compagnon, c'est Abdullah, le fils de Umar ibn al-Khattab, que Allah l'agré. Abdullah, cet homme, le prophète a dit de lui, quand il était vivant, le prophète a dit de lui, « Radulun salih, c'est un homme vertueux. » هذا عبد الله خدرت رجله أي حصل لها تشنج. Cet homme, Abdullah ibn Omar, sa jambe s'est paralysée. فَقِيلَ لَهُ ذْكُرْ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيْكَ. On lui a dit, cite le nom de la personne que tu aimes le plus. فَقَالَ يَا مُحَمَّدْ. Il a appelé le prophète, il a dit, oh Muhammad. فَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالِ. C'est comme si c'était un animal qui était attaché par une corde et on a enlevé la corde. L'animal s'est relevé tout de suite. وَهَذَا حَصَلَ بَعْدَ وَفَاتِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Et ceci s'est produit après le décès du messager sallallahu alayhi wa sallam. فَمَنْ يُنَادِي نَبِيًّا بِقَصْدِ أَنْ يَتَوَجَّهَ لَهُ إِلَى اللَّهِ لِكَشْفِ ضُرِّهِ أَنَّ يَكُونُ شِرْكًا. مَنْ أَيْنْ يَكُونُ شِرْكًا. Si quelqu'un appelle un prophète dans l'objectif que ce prophète s'adresse à Dieu pour lui, pour cet homme qu'il appelle, pour que Allah le délivre de son tourment. Comment cela serait-il une association à Dieu? هؤلاء من فساد ظنونهم وصل الأمر ببعضهم إلى أنه وجد رجلا قاعدا في ظل شجرة رافعا يديه يدعو الله عز وجل فهجم عليه وقال له لما تعبد هذه الشجرة. هذا من سوء ظنهم بالمسلمين. Ces gens-là, tellement ils pensent du mal des croyants, il est arrivé il y a environ une soixantaine d'années ou un peu plus, l'un d'entre eux, il a vu un homme qui était à l'ombre d'un arbre, en levant les mains vers le ciel qui est la direction des invocations, en train d'invoquer Dieu. Il lui a dit, pourquoi tu es en train d'adorer l'arbre? Regardez à quel point il pense du mal des musulmans. Parce qu'il a vu quelqu'un qui levait les mains sous un arbre, vers le ciel, qui est la direction des invocations, il a accusé d'être associateur d'adorer l'arbre. De même, quand il voit quelqu'un devant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en train de lever les mains, invoquant Allah, il lui dit, tu es en train d'adorer le prophète. Regardez à quel point. Il y a une anecdote à ce sujet, un homme qui était parti visiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il s'est adressé, il s'est dirigé vers la tombe du prophète pour invoquer Allah, pour saluer le prophète. L'un de ces gens-là qui était devant lui dit, tourne-toi vers la Qibla, tourne-toi, ne dirige pas, ne fais pas face au prophète. Il lui dit, mais c'est le prophète Muhammad alayhi salatu wa sallam. Pourquoi je vais lui tourner le dos? Il lui a dit, je vais t'emmener chez notre directeur. Il a emmené chez le directeur. Quand il est rentré dans le bureau de leur directeur, cet homme, il a tourné le dos. Le directeur lui a dit, pourquoi tu me tournes le dos? Il lui a dit, tu es mieux que le prophète. Ton ami, là, il me dit de tourner le dos au prophète. Et tu me fais rentrer dans ton bureau, tu veux que je fais face à toi? Ton ami vient de me dire que je tourne le dos au prophète. Et toi, tu n'es pas meilleur que le prophète. Ces gens-là, c'est comme s'ils n'ont pas de compréhension. L'imam Malik, Allah l'agrée, fut interrogé par un calife. Il lui a dit, oh Abu Abdullah, est-ce que je me dirige vers le prophète pour faire mes invocations, ou bien je tourne le dos au prophète et je me dirige vers la Qibla pour faire les invocations? Qu'est-ce que l'imam Malik a dit à ce calife? Il lui a dit, pourquoi tu vas tourner le dos à celui qui est ton intercesseur et l'intercesseur de ton père Adam? Au contraire, dirige-toi vers lui et invoque Allah, Allah t'accordera. هؤلاء يضعون الكلام في غير موضعه. Ces gens-là donnent au texte autre que leur véritable explication. هذا دأبهم. Voilà leur habitude. Nous aimons notre prophète عليه الصلاة والسلام. Le prophète, il est le meilleur de tous ceux que Allah a envoyés. Les prophètes sont les meilleurs de tous ceux que Allah a créés parmi les humains, les djinns, les anges. Et notre prophète Muhammad alayhi salatu wa salam, il est le meilleur d'entre eux. Les compagnons, après la mort du prophète, ils avaient mené une des batailles, et la devise de cette bataille, c'était Ya Muhammad, c'est-à-dire Ô notre Muhammad. Les musulmans, ils aiment le prophète. Et aucun musulman n'a pour croyance que le prophète ou qu'un saint va créer quoi que ce soit. Mais le musulman, il a pour croyance que le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam et tous les prophètes et les saints également ont un haut degré Allah les agrée. Et il se peut que Allah nous exauce, nous accorde ce que nous demandons par leur haut degré. C'est-à-dire, nous espérons, quand nous invoquons Allah, qu'il nous accorde telle chose ou telle chose par le degré du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, c'est comme si nous disions, oh Allah, tout comme le prophète a un haut degré, alors accorde-nous ce que nous demandons. C'est ça le sens de nos invocations par le degré du prophète, ce qu'on appelle le tawassou. Mais aucun musulman n'a pour croyance qu'il y a un autre créateur que Dieu. Dieu seul est le créateur de toutes choses. Et rien n'empêche, tout comme les prophètes, notre prophète, alayhi salatu wassalam, il entend, rien n'empêche aussi que cela soit accordé à des saints. C'est possible que Allah fasse qu'un saint entende. Et d'ailleurs, n'est-ce pas que lorsque nous visitons même la tombe où il y a des musulmans, on leur passe le salam. Les morts, ils entendent. Dans le hadith, le prophète, il a dit ce qui signifie « Pas un musulman qui connaissait son frère avant de mourir et qu'il va lui passer le salam sans qu'il ne l'entende, il le reconnaisse et qu'il lui rende le salam. » Seulement, nous n'entendons pas. Nous n'entendons pas ce que les morts, quand les morts rendent le salam. Mais ça, c'est dans le hadith. Seulement, cette mort, cette vie après la mort dans la tombe, ce n'est pas une vie comme aujourd'hui où nous avons besoin de manger, de boire, où nous avons des actes dont nous sommes responsables. Eux, ils sont sortis de la responsabilité. Ils ne sont plus responsables. C'est-à-dire, ils ne sont pas obligés d'accomplir les 5 prières, de jeûner le mois de Ramadan, de faire le pèlerinage, parce qu'ils ne sont plus responsables par la mort. Mais il est possible qu'ils fassent des invocations pour ceux qui sont vivants. Il est possible qu'ils demandent à Allah quelque chose pour ceux qui sont vivants. Allah Ta'ala a fait que le mort peut être utile pour le vivant. Et c'est ça la croyance des musulmans. C'est pour cela qu'il est important de ne pas laisser ces égarés diffuser de mauvaises croyances et perdre les gens, surtout ceux qui n'ont pas appris. Et ils les emmènent dans des dédales et dans des labyrinthes, ils les perdent, ils en font. C'est comme quelqu'un à qui on a bandé les yeux dans le noir et on le fait pivoter, et puis il les lâche. La personne, elle est complètement perdue, elle ne sait pas. Elle se tape sur un mur, sur un autre mur. C'est comme si quelqu'un qui est en pleine mer sans gouvernail. Pourquoi ? Parce qu'ils ont interprété des versets et des hadiths dans un sens autre que leur sens, ce qui fait que les gens se trouvent perdus. Ce qui est correct, c'est que le mort peut être utile pour le vivant, et que tout est par la volonté de Allah, tout est par la création de Allah. Allah est le créateur de toutes choses. Et que les prophètes sont les meilleurs de tous ceux que Allah a créés. Et notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur de tous les prophètes que Allah l'honore et l'élève davantage en eux. Avant de finir, on prend quelques rappels. Dans la science obligatoire, nous avons vu que parmi les péchés du pied, il y a le fait de marcher pour commettre un interdit et de marcher pour manquer à une obligation. Wa kullu mashin ila muharramin wa takhallufin an wajibin. الشرح أن من معاصي الرجل المشي بها إلى محرم إلى ما حرم الله تعالى على اختلاف أنواعه. Explication. Parmi les péchés du pied, il y a le fait de marcher pour commettre ce que Allah a interdit, quelle que soit cette chose qui est interdite. وكذلك المشي إلى ما فيه إضاعة واجب. Également, les pas que l'on fait pour manquer à une obligation. كأن يمشي مشيا يحصل به إخراج صلاة عن وقتها. Comme celui qui marche de sorte à ce que il manque la prière dans son temps. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله أي الصلاة ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. Ainsi dans sourate Al-Munafiqun, le verset numéro 9, nous apprenons que Allah ordonne à ceux qui sont croyants de faire en sorte que leurs biens et leurs enfants ne les détournent pas, ne leur font pas manquer l'évocation de Dieu, c'est-à-dire la prière. Et celui qui fait cela, ce sont eux les perdants. قال المؤلف رحمه الله فصل الشرح أن هذا فصل معقود لبيان معاصي البدن. L'auteur, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit chapitre. Il s'agit là d'un chapitre consacré au péché du corps. قال المؤلف رحمه الله ومن معاصي البدن عقوق الوالدين. L'auteur, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit parmi les péchés du corps, il y a le عقوق envers les parents. الشرح أن من معاصي البدن أي من المعاصي التي لا تلزم جارحة من الجوارح بخصوصها عقوق الوالدين أو أحدهما وإن على ولو مع وجود أقرب منه. L'auteur, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit parmi les péchés du corps, c'est-à-dire ce sont des péchés qui ne concernent pas un organe en particulier. Donc ce sont des péchés du corps, ils ne concernent pas un organe en particulier. Il y a le عقوق envers les parents, les deux parents ou l'un des deux parents, même si ce n'est pas un parent direct, mais c'est-à-dire c'est à une génération supérieure, même si entre eux, lui et celui qui est de génération supérieure, le parent de direction de génération inférieure est encore vivant. قال بعض الشافعية في ضبطه هو ما يتأذى به الوالدان أو أحدهما تأذياً ليس بالهين في العرف. Donc un savant, Shafi'it, a donné une définition du عقوق. Il a dit le عقوق c'est ce qui fait une nuisance aux parents, les deux parents ou un des deux parents, une nuisance qui n'est pas négligeable dans les us, selon les us des gens, c'est-à-dire selon ce que les gens ont pour pratique entre eux, ce n'est pas une nuisance qui est négligeable. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة لا يدخلون الجنة العاق لوالديه والديوث ورجلة النساء رواه البيهقي. Et dans le hadith, il a été authentifié que le messager صلى الله عليه وسلم a dit ce qui signifie: il y a trois catégories de personnes qui n'entreront pas au paradis parmi les premiers. Quelles sont ces trois catégories? Il a cité entre eux celui qui fait preuve de uquq envers ses parents. Il a cité Ad-Dayuth et il a cité Rajulatun Nisa. On va comprendre chacun de ces trois qu'est-ce que c'est. أي لا يدخل هؤلاء الثلاثة الجنة مع الأولين إن لم يتوبوا. وأما إن تابوا فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له. حديث رواه ابن ماجه. Ça veut dire que ces trois catégories de personnes n'entreront pas au paradis avec les premiers à y entrer dans le cas où ils n'ont pas fait le repentir, c'est-à-dire s'ils sont morts chargés de ces péchés, ils ne vont pas aller au paradis directement. Ils vont être châtiés d'abord dans le cas où ils n'ont pas fait le repentir. Par contre, s'ils font le repentir avant de mourir, le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith ce qui signifie: celui qui fait le repentir suite à un péché qu'il a commis est semblable à celui qui n'a jamais commis ce péché. Celui qui fait le repentir suite à un péché qu'il a commis est semblable à celui qui n'a jamais commis ce péché. Al-aqq li walidayhi, celui qui fait le uquq, c'est celui qui fait du mal à ses parents, aux deux ou à l'un des deux. Mais ce mal, il n'est pas négligeable. Si dans le Coran, Allah nous interdit même de leur dire ouf. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. Si leur dire ouf est interdit, les injurier ou les frapper ou faire quelque chose qui va amener à ce qu'ils pleurent, c'est encore plus grave. Donc déjà, leur dire ouf, c'est interdit, c'est un grand péché. Que dire de ce qui est plus grave? Les savants, ils ont dit que ce qui est un petit péché avec autre que les parents, avec les parents, ça devient un grand péché. Le deuxième catégorie, c'est Ad-Dayuth. C'est celui qui est au courant que sa femme ou que sa sœur ou que sa mère est en train de faire la fornication et il ne fait rien pour l'en empêcher. Et le troisième, c'est Rajulatun Nisa. C'est la femme qui s'habille comme un homme ou qui a un comportement comme un homme. Mais l'inverse aussi est interdit. C'est-à-dire les hommes qui s'efféminent également, c'est un grand péché. والله تعالى أعلم وأحكم وبارك الله فيكم لا إله إلا الله لا إله إلا الله